silence hurle, se fait assourdissant, que des sons minuscules se font cris de géants. Nos mots sont des compas, nos guides sur l'océan, nos mots comme continents, il nous restera ça. Quand les nuages filent, sans qu'on puisse les toucher, dans le bleu tendres îles, impossible d'accoster. Nos mots sont des trois mâts, naviguent dans ces nuées, nos mots comme voiliers, il nous restera ça. Il nous restera ça. Et quand le ciel pleure, se grise de sanglots, que les sons, les couleurs se prennent dans les rouleaux, nos mots à bout de bras sont nos armes, nos flambeaux, nos mots comme drapeaux, il nous restera ça. Quand les portes sont fermées, que l'on reste au dehors, quand on a beau frapper de nos mains, de nos corps, nos mots resteront là, gravés dans le décor, nos mots comme trésors, il nous restera ça. Chanson.